puis ses rêves. Il me caresse de tous ses mots et moi, il m'en sorcelle. Tout autour de moi me rappelle nos nuits d'amour sans trêve. Il me caresse, c'est presque trop et moi. M'enveloppe d'amour et moi, il m'interpelle. Et dans son regard, je vois celle qu'il veut pour femme, je me sens belle. Il me protège, me comble d'amour et moi. Tu m'as tout donné.